Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Bonjour Denis! Michel, si on parlait un peu du côté de la Coupe des champions, c'était en fin de semaine, c'était la Coupe des champions. Oui, c'était la grande finale qui regroupait là, les quatre vainqueurs de chacune des étapes qui ont eu lieu au cours de la saison. OK. Et le grand gagnant, sans aucune surprise, en classe A, Marc-Olivier Bougie, avec une autre excellente performance de moins 3 au 69. Malgré une belle lutte de Rick Jordan, Rick a joué la normale 72. On a vu du très, très beau golf et encore une fois, belle performance de Marc-Olivier Bougie. Il est très fort, Marc-Olivier. En classe 2B, un excellent deuxième 9 de 35 a permis à Stéphane Saint-Villain de remporter la victoire avec 76. En classe B, Normand Baudry, 82. Et chez les dames, belle performance, René-Claude Gay, 85. OK, OK. Donc, il y avait combien de joueurs? Évidemment, c'est les gagnants des trois... quatre pour chacune des classes. Là, c'est les gagnants. Les gagnants ou les deuxièmes, selon si un gagnant était déjà qualifié à une compétition antérieure. OK, OK, OK. Donc, on va, encore une fois, une belle réussite, hein? Oui, une autre belle réussite qui regroupe vraiment là, les joueurs et joueuses qui aiment la compétition. OK, OK. Donc, c'est encore une fois une belle réussite. Il y a eu beaucoup de pluie cette semaine. Beaucoup, beaucoup de pluie. Ça a commencé dimanche, où on a dû reporter le tournoi des seniors. Ça sera remis à samedi le 8 septembre. OK. Et depuis le début de la semaine, ça fait 3 jours consécutifs qu'on est fermé. Vraiment beaucoup, beaucoup de pluie. Et ça devrait se replacer là, à partir de demain. Et samedi et dimanche, on annonce un beau fin de semaine avec du soleil. OK, OK. Et donc, on va suivre ça dans les promotions maintenant. Les promotions, on a toujours l'accessibilité. 2 joueurs avec la voiture pour 50$. Il nous reste encore 3 semaines d'activité. On va aller jusqu'au dimanche 23 septembre. Et par la suite, les services vont être fermés, mais le parcours va demeurer disponible jusqu'au lundi de l'Action de grâce. OK. Le 12 octobre. Donc, on va regarder ça, évidemment. Michel, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui, ça fait le tour cette semaine. OK, donc c'est Michel Lallemand du club de golf de Chibougamau.